s'installe, l'énergie circule. Riders Kill est là, prêt pour la formule. Les viewers arrivent, la vibe s'élève. Chaque instant partagé, la famille se relève. J'ouvre le chat, sourire sincère. Les échanges commencent, atmosphère légère. Des rires, des défis, des moments vrais. Dans ce live, on construit sans jamais se taire. Le son dans enveloppe, la basse roule. Chaque mot résonne, le temps s'écoule. Les viewers connectés, la force est là. Dans ce stream, c'est notre. Le rythme monte, le chat s'anime, l'ambiance affronte. Un flow simple, une énergie claire. Dans ce monde virtuel, tout est lumière. Les trolls défilent mais on reste soudés. Riders qu'il mène, rien n'est oublié. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque live est un espace. Son flow continue, la vibe est posée. Avec Riders qu'il, tout est partagé. Basse qui pulse, voix qui caresse. Un moment fort. Notre frappe, le live est vivant, la vibe s'attrape. On s'amuse, on clash, on se soutient. Dans ce stream, c'est notre lien. Les viewers présents, la famille forte. Unis par le son, la musique emporte. Le flow monte, la nuit s'enflamme. Riders qu'il brille, la vibe réclame. Un souffleur calme, un instant partagé. Le live respire, l'énergie chargée. Demain sera là. Avec Riders Kill, la route continuera. Le flow continue, la vibe est posée. Avec Riders Kill, tout est partagé. Masque qui pulse, voix qui caresse. Un moment fort, une vraie ivresse. Ce qu'on rit, on partage, on s'unit. Oh, oh. Sur Twitch, c'est Riders Kill qui conduit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you.